Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux qu'il y ait autant de monde pour accueillir Mathieu Depoil de la Maison Phare à Dijon, mais tu en parleras plus que moi. Très contente de pouvoir faire une sorte de coproduction avec l'atelier, prêter la salle de la MJC, puisque l'atelier n'a plus de grande salle pour accueillir voilà, ce genre d'événement. Je te laisse. Juste pour la suite, nous on est un groupe primo-arrivant, on va dire, à Amplepuis. Ça fait 2 ans qu'on a acheté une maison à Saint-Claude-Huissel qu'on est en train de retaper. Et puis d'un autre côté, on a toujours un pied assez important sur Dijon. Et à Dijon, je suis bénévole dans une grosse structure merveilleuse qu'il faut que vous veniez tous visiter, qui s'appelle la Maison Phare. Et bien avant, ça fait une dizaine d'années que je fréquente ce drôle de garçon qui s'appelle Mathieu Depoil. Et j'ai pensé que c'était quelqu'un qui était tout à fait intéressant pour travailler avec nous sur des projections. Déjà par rapport au tiers-lieu, les projections, comment on peut organiser le tiers-lieu. Et puis Mathieu a proposé de précéder le dimanche de travail par une conférence sur l'éducation populaire. Et donc, vas-y Mathieu. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci d'être là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci beaucoup au tiers-lieu l'atelier pour l'invitation, pour l'accueil. Je vais me présenter très rapidement pour que vous sachiez d'où je parle. Et du coup, l'idée c'est de ce soir, c'est que voilà, c'est d'échanger autour de la notion d'éducation populaire. Ok, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comme le disait Bernard, je m'appelle Mathieu Depoil. Je suis doctorant en sciences de l'éducation, c'est-à-dire que j'ai une double activité. D'un côté, je dirige la Maison Phare, je suis animateur, éducateur populaire de métier. Et en parallèle de ce travail, je suis doctorant en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Alors, je travaille spécifiquement sur les pratiques émancipatrices, les pédagogies émancipatrices, dans le cadre des champs d'éducation populaire. Donc en fait, je m'intéresse depuis maintenant plusieurs années à comment, entre un discours politique, entre un projet politique, comment ce projet, dans le quotidien, trouve une place auprès des habitants et des habitantes des quartiers. Voilà, ça c'est mes travaux en tant que chercheur. Moi j'ai un parcours assez classique, hein. J'ai commencé par le BAFA, quand j'avais 17 ans, donc il y a 23 ans, j'ai 40 ans. Du coup, j'ai commencé par le BAFA. Ensuite, j'ai fait beaucoup de colos, j'ai fait beaucoup de séjours, j'ai fait beaucoup de centres de loisirs. Et petit à petit, je me suis professionnalisé. Après, j'ai passé ce qu'on appelle les BFD pour diriger des colos. J'étais longtemps directeur de colos, de centres de loisirs. Et petit à petit, j'ai passé un BTEP, c'est les anciens BPGEPS. Et petit à petit, voilà, des GEPS et un master pour en arriver du coup à la thèse de petit à petit. Et donc, du coup, je suis ce qu'on appelle dans les champs de la recherche-action. On en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, à la fois chercher, agir, et l'aller-retour entre la pensée et l'acte. Donc voilà très rapidement pour mon parcours, et pour ceux et celles qui connaissent, je suis issu de l'éducation nouvelle des CMEA, le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc j'ai fait tout mon cursus pédagogique dans cette belle mouvance qui est l'éducation nouvelle et la pédagogie sociale. Donc voilà en quelques mots. Donc moi, le propos que je tiendrai ce soir est un propos... issu de l'éducation populaire, et je parlerai à la fois en tant que chercheur universitaire, mais également j'illustrerai quelques propos par ce que je fais à la Maison Phare à Dijon. Donc ce soir, ce que j'avais évoqué du coup avec Bernard et l'atelier de tiers-lieu, c'était de parler de l'éducation populaire, parce que c'est une notion qui n'est pas toujours très très très claire. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent de l'éducation populaire, d'autres qui ne se revendiquent pas. Et du coup, l'idée de la soirée, c'est de parler de l'éducation populaire, son histoire, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, c'est quoi cet ovni, et pour voir sa réalité aujourd'hui. Et donc peut-être en introduction à mon propos, je vais parler 3/4 d'heure, 1 heure, je suis bavard, donc si c'est trop long, Bernard tu me fais signe, ouais, j'arrête, top, arrête, top. Hop, voilà. Et après voilà, l'idée c'est d'échanger juste après. Voilà, en introduction, ce qu'on peut dire sur l'éducation populaire, c'est que c'est une nébuleuse, okay, il n'existe pas aujourd'hui... de définition académique et définitive de l'éducation populaire. C'est une notion à la fois éducative, culturelle et sociale qu'on retrouve dans de nombreux espaces, dans les MJC, dans les centres sociaux, dans les tiers-lieux, mais il n'existe pas de définition académique précise. L'éducation populaire, vous verrez, on en reparlera tout au long, c'est, moi ce que je nomme, c'est un objet carrefour. C'est-à-dire que c'est un objet, l'éducation populaire, où on peut très bien avoir du travail social, du travail culturel, du travail éducatif. C'est vraiment un objet carrefour qu'on a parfois du mal à délimiter. Un exemple très clair, les tiers-lieux aujourd'hui. Les tiers-lieux, voilà, ils sont au carrefour du travail de la culture, du travail de l'éducatif, du travail du social. Et donc du coup, c'est ce qui fait que ça a un côté un petit peu ovni. L'éducation populaire, pareil, c'est une histoire assez longue, assez complexe. Hein, on passera par là, à l'épaner du jour au lendemain. C'est-à-dire, paf, vous verrez, c'est un processus long, lent, qui a donné naissance à l'éducation populaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et enfin, quand on parle d'éducation populaire, on ne peut pas ne pas parler de projet politique. Hein, c'est un objet qui est très politique. Vous verrez, on en reparlera à travers son histoire, à travers tout un tas de trucs. C'est un projet politique de transformation sociale. C'est-à-dire que l'éducation populaire, quand on s'inscrit dans ce champ-là, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre espace où l'objet politique est vraiment très très important. Et enfin, je ne sais pas quels sont, on en reparlera sûrement demain avec l'atelier tiers-lieu, qui dit éducation populaire dit également pratique spécifique. C'est-à-dire que c'est à la fois un mouvement de pensée, l'éducation populaire, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement intellectuel, mais c'est également des pratiques. Okay, ça, j'y reviendrai pendant le déroulé. Alors, mon intervention, je vous la propose en trois parties. Une première partie, quand on parle d'éducation populaire, de quoi on parle? Okay, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'existe aucune définition académique, donc ma proposition, c'est de revenir sur ça, pour que chacun, chacune d'entre nous puisse bien percevoir ce que c'est. En deuxième partie, un regard socio-historique sur ce que c'est l'éducation populaire, son histoire, pour qu'on puisse conscientiser ensemble que c'est un projet politique avant toute chose. Et enfin, l'éducation populaire, un projet des enjeux et des pratiques pédagogiques. Donc voilà, mon intervention se fera autour de ces trois axes-là. Alors, premièrement, quelques principes éducatifs au préalable. Dans le mot éducation populaire, il y a le mot éducation. Le mot éducation, alors peut-être que certains et certaines d'entre vous sont issus des métiers de l'éducatif, enseignants, éducateurs, éducatrices, enseignantes. C'est une notion polysémique, le mot éducation, et ce qui fait que c'est difficile parfois à appréhender. Ça dépend dans quel milieu il est utilisé. Le mot éducation, suivant où on l'utilise, en école, en famille ou en institution, il n'a pas le même sens. Par exemple, éduquer, instruire, enseigner, apprendre, transmettre. Suivant où on se positionne, il ne prend pas le même sens. Quand on parle à un enseignant ou une enseignante du mot éducation, derrière le mot éducation, il ne va pas forcément entendre comme un éducateur spécialisé. On dit souvent, les enseignants, enseignantes, peut-être qu'il y en a parmi vous, moi je ne suis pas là pour éduquer les gamins. On dit souvent ça. Mais par contre, je ne suis là pour les instruire. Et donc du coup, le mot éducation, dans les familles, on dit souvent, mais les parents ne sont pas éducateurs. Éducateur, c'est un métier. Vous voyez? Donc du coup, le mot éducation, il faut bien vous dire qu'il n'a pas du tout le même sens suivant où on l'emploie. Pareil, le mot entre le mot éduquer et le mot instruire, est-ce qu'on met la même chose derrière? Okay, on parle d'instruction publique, à l'armée, on parle d'instructeur, et dans d'autres endroits, on parle d'éducateur. Donc vous voyez, c'est une notion qui ne prend pas du tout le même sens suivant où on l'utilise. Et ensuite, l'autre difficulté du mot éducation, c'est qu'il a des formes très académiques, ce qu'on appelle l'éducation formelle. C'est en gros, grosso modo, c'est tout ce qui va toucher au champ de l'école, tout ce qui va toucher les champs de l'académie, vraiment. Et donc du coup, dans les champs de l'éducation populaire, on est plutôt sur des formes d'éducation non formelle ou informelle. Et du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, la différence. Et c'est souvent là qu'il peut avoir un nœud en termes d'éducation. C'est justement où est-ce que s'arrête l'éducation formelle pour passer à l'éducation informelle. L'éducation populaire s'inscrit dans les champs de l'éducation non formelle ou informelle. Okay, elle n'intervient pas nécessairement dans les champs de l'académie. C'est quelque chose qui est important à connaître, parce que quand on agit dans les champs de l'éducation populaire, on reproduit souvent la forme scolaire. Vous voyez, on pense être en dehors de l'académie, mais dans nos postures, dans nos manières de travailler, on peut tout à fait reproduire les systèmes académiques, alors que l'éducation populaire s'inscrit en contre. Il y a une citation que j'aime bien. Pareil, c'est pour bien positionner le terme d'éducation. « Sont éducateurs et éducatrices, ceux et celles qui accordent une place centrale à l'éducation. » On renvoie souvent le mot éducateur ou éducatrice à la formation, vous savez, d'éducateurs spécialisés. En fait, les uns les autres, à partir du moment où on accroche, où on donne une place importante à l'éducation, on peut se revendiquer éducateur ou éducatrice. Donc ça, voilà, c'est un premier terme autour du mot éducation. L'autre difficulté quand on parle d'éducation, c'est qu'elle a une racine latine double. Ça vient à la fois du mot éducare, qui veut dire nourrir, et du mot educere, élever. Vous voyez ? Donc en fait, on est bien, quand on parle d'éducation, on est sur les deux aspects. Et c'est ça qui est plutôt, c'est ça qui fait de ce terme un terme très très riche. Vous voyez, c'est un peu à l'image de la plante. Si on veut qu'une plante grandisse, il y a deux effets. Il faut la nourrir, c'est-à-dire donner de l'eau, de l'engrais, mais il faut l'élever avec un tuteur. Et vous voyez, le mot éducation, j'ai un micro, d'habitude j'ai pas de micro, mais vous voyez, le principe, il est vraiment comme ça, nourrir et élever. Et en fait, quand on éduque quelqu'un, il faut forcément les deux aspects, sinon la plante ne pousse pas. Et bien, c'est pareil pour les enfants, pour les adultes. Donc ça, je pense que c'est une notion pour bien comprendre tout ça. L'éducation populaire, alors c'est un peu théorique, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'elle base son projet politique sur deux notions clés. Okay, les deux concepts clés, c'est le concept d'éducabilité et le concept d'éducationnisme. Ça vous parle, ces deux concepts ? Non. Non ? Alors, c'est des vieux concepts philosophiques qui sont issus du siècle des Lumières. C'est arrivé avec la pensée de Rousseau, l'Émile, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu qu'on fait de la philosophie. L'éducationnisme, grosso modo, c'est un ensemble de pensées. Ce sont des penseurs, un mouvement de pensée qui pense que l'éducation peut transformer la société. C'est-à-dire que, et éducationniste, les personnes qui pensent qu'à travers l'éducation, on peut instaurer le progrès social. On peut revenir à des questions de justice sociale, et c'est par l'acte d'éducation qu'on transforme la société. Okay, c'est ce qu'on appelle le courant éducationniste. Donc si certains et certaines d'entre vous pensent que via l'action d'éducation, je vous ai mis une petite définition derrière, c'est assez pompeux, je préfère le dire avec mes mots, si vous pensez qu'on peut transformer la société par l'acte d'éducation, vous êtes éducationniste, félicitations. Vous appartenez à ce grand courant. Le courant d'éducationnisme, il est né, j'y reviendrai un peu après, via la pensée, entre autres, de Condorcet, à la première révolution française, celle de 1789. Voilà, donc ça c'est... l'éducation populaire, en termes politiques, elle est persuadée que c'est par l'acte d'éducation qu'on peut transformer la société et transformer les rapports sociaux. Okay, donc ça, c'est le premier concept qui est important, je ne m'étale pas trop dessus. Le deuxième concept qui est tout aussi important, c'est l'éducabilité. C'est-à-dire que en éducation populaire, on pense que chaque personne, chaque individu est éducable. Okay, tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a jamais personne de foutu. C'est important de le dire. Même le pire des bandits, le pire des repris de justice, reste éducable. Et on n'est pas éducable entre les 0 et 3 ans. Vous savez, il y a un vieux truc qui dit que tout se joue avant 6 ans. Ouais. Ça veut dire quoi ? Enfin, c'est dur. Hein. Enfin, et c'est faux, en fait. Enfin, en éducation populaire, on pense que c'est faux. On peut être éducable tout au long de sa vie. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'éducation permanente, l'éducation de tous les instants. Et même, moi j'ai un petit peu bossé dans le handicap, j'étais éducateur dans un IME auprès de jeunes autistes. Même dans les secteurs de l'autisme, un enfant, une personne reste éducable. Même en psychiatrie, les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques restent éducables. C'est-à-dire que même les personnes atteintes de lourds handicaps restent sur des proportions à progresser importantes. Alors après, il ne faut pas non plus être démagogue. Pour les personnes qui bossent en EHPAD ou avec des gens très grabataires, la marge de progression est infime. On est d'accord. Ou bien l'acte d'éduquer et ne pas que ça décline plus. Mais chaque personne reste éducable. Moi, j'insiste un petit peu dessus, sur ce terme-là, parce qu'on l'oublie souvent. Et que l'éducation populaire n'est pas une éducation qui s'adresse uniquement à des enfants. Okay, c'est vraiment une éducation pour toutes et tous et tout au long de la vie. Le principe d'éducabilité. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous le mot éducation? Ok. Alors, on a le mot éducation, puis après on a le mot populaire. C'est le bordel, le mot populaire également. Alors, le mot populaire, c'est également un mot polysémique. Alors, quand je dis polysémique, c'est qu'il y a plusieurs sens. Hein. Le mot populaire, alors, il a une belle histoire, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien ce mot. Il est issu du mot peuple, tout simplement. Mais sauf que le mot peuple, tel qu'on doit l'appréhender, il a trois sens, le mot peuple. Le premier sens, c'est ce qu'on nomme le sens politique. Le démos, démocratie, le pouvoir du peuple. En gros, le démos, c'est l'ensemble des citoyens. Okay, c'est ce qui constitue, en politique, l'ensemble, un peu vulgairement, de la base électorale, quand on fait de la politique politicienne. Mais quand on fait de la politique au sens vie de la cité, ça désigne l'ensemble des personnes qui peuvent habiter une société. Donc ça, c'est un terme très politique, en fait, le mot peuple. C'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est ce qu'on appelle le sens sociologique du mot peuple. En gros, c'est le milieu social, les couches déshéritées. Vous voyez ? C'est la lecture, le sens un petit peu bourdieusien du terme. Ça représente les classes. Okay ? Les classes populaires, les classes du peuple, les couches déshéritées souvent. Okay ? Quand on dit quelqu'un, les quartiers populaires par exemple. Hein, quand on parle de quartier populaire, on l'entend souvent au sens sociologique. C'est hyper intéressant aussi. Et le troisième sens, qu'on oublie souvent, c'est le sens symbolique. C'est ce qu'on appelle le folklore. Vous voyez, les racines réelles ou mythifiées. Le 14 juillet, le bal populaire. Vous voyez, les Jeux olympiques. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais les fêtes populaires. Johnny Hallyday. Vous voyez, ces folklores-là, cette forme de sens-là. Du coup, on a le mot éducation, on a le mot populaire, et quand on rassemble les deux, ça fait éducation populaire. Alors, quand on parle d'éducation populaire, du coup, je vous ai mis deux, trois définitions. L'idée du mot éducation populaire, vous voyez bien la complexité de définir du coup ce que c'est, parce que du coup, éducation, c'est difficilement cernable, le mot populaire également. Alors, quand on met les deux ensemble, c'est compliqué. Alors, peut-être une première définition, enfin délimitation plutôt, pour Geneviève Poujol. Alors, Geneviève Poujol, c'était une sociologue, c'était une des premières autrices à travailler sur l'éducation populaire. Pour elle, c'est un projet de démocratisation de l'enseignement, porté par des associations, dans le but de compléter l'enseignement scolaire et de former des citoyens. Vous voyez, c'est pas très engageant pour elle. Hein. Pour Geneviève Poujol, il y a l'école, en gros, et la famille, en gros. Et tout autour, il y a l'éducation populaire qui permet de compléter l'enseignement scolaire. Donc, si on n'est pas dans l'enseignement scolaire, on peut être dans l'éducation populaire. Du coup, ça englobe les clubs sportifs, par exemple. Il y a une deuxième délimitation que moi j'aime beaucoup, c'est celle de Christian Morel. Et Christian Morel, pareil, c'est un sociologue qui est, lui, toujours vivant. C'est un des formateurs, j'ai travaillé pas mal de fois avec lui. Pour Morel, l'éducation populaire, c'est l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillant à l'émancipation des individus et du peuple, en augmentant leur puissance démocratique d'agir. Donc vous voyez déjà la différence entre les deux propositions. Celle de Christian Morel, elle est clairement plus politique, dans le sens transformation sociale. Okay ? Là, on ne parle pas forcément d'école, on ne parle pas forcément de savoir complémentaire, c'est plutôt qu'est-ce qui se joue chez les individus, en termes d'émancipation et de capacité à transformer la société. Vous voyez, il y a deux choses un peu différentes. Celle-là, elle est un petit peu plus longue. Je ne vais pas vous la lire, ça va vous embêter, mais c'est Adeline de Lépinay, c'est une animatrice qui organise des mouvements sociaux. Pour elle, l'éducation populaire, ça sert à décrypter les rapports sociaux de domination. Okay ? Un rapport social, alors c'est des théories marxistes, un rapport social, c'est... Les rapports de pouvoir entre les gens. Un rapport de pouvoir, par exemple, de l'homme sur la femme, okay, de la bourgeoisie sur les prolétaires. Un rapport social, c'est tout ce qui va être rapport de pouvoir entre individus. Et donc, du coup, pour Adeline de Lépinay, l'éducation populaire, elle a cette vocation-là à décrypter, dans une société, les rapports de domination qu'il y a entre les personnes et à les transformer. Donc là, on est sur une approche beaucoup plus subversive et beaucoup plus... militante et politique. Voyez, donc à travers trois définitions, trois délimitations. On a trois manières un peu différentes de voir l'éducation populaire. Là où moi je travaille aujourd'hui, avec Bernard et Hélène qui est juste là, on se rapproche plus de la deuxième définition. Voyez, on est plus proche du coup des principes d'émancipation et des principes de transformation sociale. Voilà, quelques petites citations. Pareil pour bien finir sur de quoi on parle quand on parle d'éducation populaire. Éduquer pour émanciper. Ça, c'est un adage de Fernand Peloutier. Fernand Peloutier, c'est le monsieur qui a créé les bourses du travail. Tout à l'heure, il y avait des gens syndiqués parmi vous. Fernand Peloutier était un militant anarchiste. Et Peloutier, c'est lui qui a lancé les bourses du travail. Ça parle à tout le monde ? Oui. Ouais, ok. Et ben, c'est issu de l'éducation populaire à la base. Hein, c'était ce qu'on appelait l'éducation populaire prolétarienne et communiste. Et ben, c'est issu des longs mouvements d'éducation populaire. Et Fernand Peloutier en faisait partie. Il y a d'autres noms hein, aujourd'hui en éducation populaire. On parle d'éducation non formelle, comme je disais tout à l'heure. L'éducation tout au long de la vie. Éducation alternative, éducation expérientielle, éducation par le faire. Okay. Tous ces termes-là font partie du champ sémantique et lexical de l'éducation populaire. Est-ce que ça vous parle un petit peu plus déjà ? Ouais. On pourra en parler hyper longtemps, mais voilà, c'est un peu la délimitation que je vous propose ce soir. Alors, deuxième, j'ai pas regardé du tout le temps. Hein. Je te fais confiance, Bernard. Hein, voilà, là on a délimité les termes, éducation populaire, ce que ça veut dire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de comprendre et d'aller explorer par un regard socio-historique, d'où ça vient. Quand je parle de regard socio-historique, la socio-histoire, c'est un regard social sur le passé. D'accord ? La socio-histoire, c'est de regarder l'histoire, mais regarder l'histoire non pas forcément comme on le fait dans l'éducation nationale, c'est plutôt de regarder l'histoire à travers les luttes sociales. Hein. C'est de croiser histoire et approche sociale. Alors, l'éducation populaire, elle est née dans le sillon de la Révolution française, la première. Okay, parce qu'en fait, on pense qu'il n'y a eu qu'une révolution française, mais il y en a eu plusieurs. Du coup, celle de 1789. Je le disais tout à l'heure, le concept d'éducation populaire, il est né de l'héritage éducationniste du siècle des Lumières. Très rapidement, avant le siècle des Lumières, on pensait que l'enfant n'était pas un sujet. Okay, on pensait plutôt que l'enfant était un petit adulte, un adulte miniature. Et on n'avait pas conscience à l'époque que l'enfant, il avait la capacité d'être éducable, il avait besoin de plus de sommeil qu'un adulte, il n'est pas sur le même rythme. Et donc du coup, il y a une révélation qui était faite à travers l'ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, L'Émile, qui permet de conscientiser du coup le fait que l'enfant est un jeune qui est en train de grandir et tout ça. Donc la notion d'enfance, elle est vraiment née sur cette période-là, et du coup l'héritage éducationniste est issu de ça. L'éducation populaire, c'est un projet politique émancipateur. Alors pourquoi ? J'en parle très rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps ce soir. En 1789, entre 1789 et 1792, on a changé de régime. Okay ? Et donc du coup, c'est comme si du jour au lendemain, on demande au peuple de prendre la main sur la direction d'un pays sans qu'il ait été éduqué à le faire. Donc du coup, en fait, il y a tout un projet qui était mis en place d'instruction du peuple, par le peuple et pour le peuple, pour que le peuple puisse prendre en main sa propre destinée. Okay ? Et donc du coup, qui dit prendre en main sa propre destinée ? Il faut que les personnes soient capables de le faire, et du coup, il faut les instruire, il faut les éduquer. Donc pareil, l'éducation populaire est née de ça. Il y a un extrait du rapport Condorcet juste après. Vous verrez que c'est un peu comme si on demande à un enfant à 18 ans de prendre en main sa vie si on ne lui a jamais appris à prendre des décisions. Vous voyez, c'est un peu comme si on enfermait quelqu'un pendant 18 ans dans une pièce, et 18 ans on lui ouvre la pièce, et puis on lui dit « Allez, vas-y, va vivre ta vie maintenant ». La personne sera incapable de le faire parce qu'on ne lui aura pas appris à s'autonomiser. L'éducation populaire est née également de ça, de cette envie, de ce besoin de s'autonomiser. Et vous verrez, elle est en lien très étroit avec les mouvements sociaux. Ok ? Quand on fait l'histoire de l'éducation populaire, on ne peut pas ignorer les mouvements sociaux, on ne peut pas ignorer la Commune de Paris, 1871, ce serait une erreur. On ne peut pas ignorer les guerres mondiales, on ne peut pas ignorer toute l'histoire politique du pays. Et également, et ça on l'oublie souvent, la Révolution française, du moins la première, était une révolution libérale, une révolution bourgeoise. Et en fait, pendant longtemps, on a cru que la Révolution française était une révolution du tiers-État. C'est une révolution du tiers-État, mais pilotée par les bourgeois. À l'époque, les bourgeois font partie du tiers-État. Hein. Vous vous rappelez, clergé, noblesse, tiers-État, les bourgeois étaient dans le tiers-État. Hein, le tiers-État, il ne faut pas l'imaginer comme une entité précaire. Hein. Le tiers-État était très, très, très organisé avec les bourgeois et tout ça. Donc, du coup, en fait, c'est la Révolution française, elle a mis en pleine lumière la bourgeoisie. Et du coup, la Révolution française a permis à la bourgeoisie de se révéler comme classe. Hein, même si Marx n'était pas encore là, hein, mais à cette époque-là, la bourgeoisie est devenue une vraie classe, et c'est la bourgeoisie qui a pris les rênes, les rênes du Parlement de l'époque. Ça, c'est la déclaration de Condorcet, que je vous parlais tout à l'heure. Condorcet, en 1792, c'est lui qui a posé les bases, les premières bases de l'instruction. Avant Condorcet, il y avait une éducation, mais qui était plutôt faite par les nobles et par le clergé. Condorcet pose les bases de l'instruction. Moi, j'aime bien quand il parle de « Tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui n'obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leur opinion d'une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auront été brisées, en vain ces opinions de commande seraient d'utile vérité. » Là, il pose les bases, Condorcet, de ce qu'on appelle l'émancipation par l'éducation, l'émancipation par l'instruction, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. Condorcet, là, s'oppose clairement à ce qu'on appelle l'obscurantisme religieux et l'obscurantisme de la noblesse. C'est-à-dire qu'il va opposer, et vous verrez après, il va opposer une éducation qui tire l'homme et la femme vers ce qu'on appelle la superstition religieuse, plutôt que l'éducation qui tire les hommes et les femmes vers le savoir et vers la raison. L'ensemble des historiens aujourd'hui s'accordent à dire que la notion d'éducation populaire est basée, est née de ce rapport-là. Alors, ça n'a pas été le seul, hein. Il y a un autre rapport, j'ai oublié le nom de la personne qui l'a fait, mais qui est plutôt intéressante. Alors, de là, on va rentrer plus dans le vif du sujet, de ce rapport-là, de cette époque-là, il va naître trois grands courants de l'éducation populaire. Okay, le premier courant de l'éducation populaire qui va naître, c'est ce qu'on appelle le courant laïque-républicain, le courant de lutte contre l'obscurantisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La lutte contre l'obscurantisme, c'est-à-dire la lutte claire contre l'Église et contre la noblesse. Okay, là, c'est un courant hyper important encore aujourd'hui. C'est de là que va naître la loi 1901, par exemple. La loi des associations, la loi de 1905. C'est là que va naître, c'est dans ce mouvement-là que va naître la Ligue de l'enseignement. Pour ceux et celles qui connaissent, c'est de là que va naître les PEP, les pupilles de l'enseignement public. Tous les grands mouvements d'éducation populaire sont nés du courant laïque républicain. C'est ce courant-là qui va vraiment faire naître la première république. Voilà. C'est vraiment un courant très très fort en éducation populaire qui va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui, mais je le dis maladroitement, c'est assez politique, mais tout ce qui est autour de la social-démocratie. Okay, vous voyez de quoi je parle? Ouais. Le deuxième courant qui naît, qui est un courant extrêmement important également, c'est ce qu'on appelle le courant du christianisme social, le courant de lutte contre la misère. Pareil, 18e siècle, 19e siècle, pardon, révolution industrielle. À cette époque-là, la France retrouve le niveau de vie, le peuple retrouve le niveau de vie du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'avec l'exploitation bourgeoise, la naissance des faubourgs, la naissance des premières fabriques, vous voyez, toute la révolution industrielle va faire naître des conditions d'exploitation des classes précaires très très fortes, et du coup le niveau de vie va chuter, et on va se retrouver du coup sur des faubourgs. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un super documentaire sur Arte qui est sorti, ça s'appelle Le Temps des Ouvriers, en 4 épisodes. Il y a toute une enquête sociologique qui est faite pour dire que au 19e siècle en France, retour des maladies, retour des épidémies, quelque chose de très, très très très très dur. Le christianisme social, l'éducation populaire va s'organiser entre guillemets pour répondre à cette misère là, et ça va beaucoup s'organiser autour de l'Église. Alors pareil, hein, le clergé, on imagine toujours, dans les cours d'histoire ils le disent pas trop, mais on imagine toujours un clergé très très très compact. Mais en fait, il faut vous dire que les prêtres, Il y a plein de prêtres de campagne, de prêtres des villes, qui sont plutôt proches du tiers-état, en fait, dans leur manière de vivre, et qui sont plutôt très pauvres, également, les prêtres. Et donc, du coup, c'est cette partie-là des prêtres et des sœurs qui vont organiser la charité. Et de ce christianisme social-là, on va voir naître les mouvements comme Emmaüs, ça vous parle ? Oui, ATD Carmonde. Tous les mouvements, les premiers diplômes du travail social, je ne sais pas si dans la salle, il y a des conseillers en économie sociale et familiale, CESF, Essence Sociale. Vous voyez, tous ces métiers-là, ces métiers de l'aide, du don, de la charité, qui petit à petit vont se professionnaliser, vont se transformer, mais sont issus du christianisme social. La JOC, Jeunesse Ouvrière Catholique, ça vous parle également ? Ouais, bah c'est issu de cette... En gros, c'est ce qu'on appelle vulgairement les cathos de gauche, quoi. Hein, vulgairement, moi, mes grands-parents, moi, je suis issu du Creusot, j'ai grandi à Le Creusot. Les usines, enfin voilà, moi, mon grand-père était la CFDT, était la JOC, vous voyez. Il était tourneur fraiseur, donc du coup, il y a une grosse culture ouvrière, très très proche du catholicisme social. Deuxième grand courant qui est né à cette époque-là. Et le dernier courant, je vais un peu plus vite, c'est ce qu'on appelle le courant révolutionnaire, ouvrier révolutionnaire. C'est un mouvement de lutte contre le capitalisme. Je remets un petit peu le contexte. Hein, pareil, 19e siècle, naissance du capitalisme moderne. Le capitalisme, tout le monde est au clair sur le capitalisme ? Ouais, c'est bon, super. Alors là, on ne parle pas de capitalisme aux origines en 1492, c'est plutôt le capitalisme moderne, avec l'avènement de la classe bourgeoise qui s'approprie du coup les outils de production et qui va faire naître la classe ouvrière. La classe ouvrière va s'organiser et va se reconnaître comme une classe culturelle à part entière. C'est ce qu'on appelle tout à l'heure le populaire dans le sens sociologique. Et donc du coup vont inventer leur propre culture. Et c'est là que vont naître les bourses du travail, le syndicalisme. C'est là qu'on va voir apparaître les veillées ouvrières, les champs ouvriers, enfin voilà, toute la classe ouvrière qui va s'organiser et qui va se retrouver très très fort dans l'éducation populaire. Ça va donner naissance, je caricature un petit peu, vous me pardonnerez, au syndicalisme, aux bourses du travail, et ça va donner naissance au MJC par exemple. Les MJC sont plutôt issus de la pensée lutte contre le capitalisme dans leur organisation, et ça va donner naissance également à tout ce qui va être... les universités populaires. Vous voyez, ATTAC, par exemple, je ne sais pas si vous voyez le mouvement ATTAC, est né de cette culture-là. Ça va donner naissance à, voilà, au courant libertaire, à toute cette mouvance-là. Donc voilà, l'histoire de l'éducation populaire, à l'origine, quand on parle d'éducation populaire, on parle de ces trois courants-là. Lutter contre l'obscurantisme, okay. Lutter, du coup, l'obscurantisme, tout le monde est clair, hein, c'est l'inverse de la raison, c'est ce qui est obscur. Lutter contre l'obscurantisme, lutter contre la misère et lutter contre le capitalisme. Du coup, quand on parle d'éducation populaire, historiquement, on se raccroche à ces trois courants-là. On peut être les trois à la fois. Hein. Voilà, c'est pas... Alors, je vais un peu plus vite sur ça. L'éducation populaire, quand elle est née, du coup là je parlais de l'éducation populaire primitive. Okay, l'éducation populaire primaire, c'est-à-dire que dans ce que je viens de vous évoquer, le mot éducation populaire n'existe pas encore. Hein, le mot éducation populaire, on le voit arriver un peu tardivement, on le voit arriver début du XXe siècle. Avant, on ne parle pas d'éducation populaire en tant que telle. L'éducation populaire, pendant longtemps, elle va être comme ça. C'est-à-dire elle va être très, très intégrale. Elle aura une vision très, très globale jusqu'en 1881. En 1881, ça vous parle, 1881, c'est les premières lois sur l'instruction. C'est les lois Ferry. Okay, les lois Ferry, en fait, elles vont nationaliser l'instruction. C'est-à-dire, vous voyez, entre le rapport de Condorcet en 1792 et les premières lois Jules Ferry, il y a eu presque un siècle. Et les lois de Jules Ferry, elles vont permettre à l'éducation de devenir nationale, ce qu'on appelle l'instruction publique, et va quitter les champs de l'éducation populaire. Donc à partir de 1881 jusqu'en 1919, on parle d'une phase de spécialisation. C'est que l'éducation populaire, elle va petit à petit se spécialiser tout doucement dans les champs de la jeunesse, du plein air et des loisirs. Okay, je passe un petit peu vite. Hein. C'est-à-dire qu'entre 1881, les lois de Jules Ferry, jusqu'en 1936, ça vous parle, c'est le Front Populaire, c'est Longlume, la première union des gauches, sur ces années-là, on va complètement, petit à petit, réduire l'éducation populaire, la spécialiser et l'enfermer, entre guillemets, dans les champs de la jeunesse, du plein air et des loisirs. Elle perd la dimension politique, entre guillemets, hein, syndicale, de lutte contre le capitalisme. Elle va perdre également tout le travail qu'elle fait autour de l'éducation nationale et elle va diminuer. À partir de 1939... Tu en es à 35 minutes. Ah ouais. Ok. J'ai fait une blague. J'ai pas fini l'introduction. Je blague. Non, mais à partir de là, je saute un petit peu des trucs. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, lutter contre l'obscurantisme, ça a foiré. Parce que du coup, le nazisme est une forme très très profonde d'obscurantisme, on est d'accord sur ça. Lutter contre la misère, on a foiré, parce que du coup, la misère, ça crée beaucoup de misère. Et lutter contre le capitalisme, c'est pas gagné non plus. Hein. Donc du coup, après 1945, qui était plutôt un... Après 45, en fait, on va rentrer dans une phase d'institutionnalisation de l'éducation populaire. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Le gouvernement de l'époque, après le Conseil de la Résistance, Conseil national de la Résistance, va vraiment débloquer des fonds, va débloquer toute une politique de jeunesse pour mettre en place tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. La fédération des MJC est créée. C'est là qu'on va voir apparaître les centres de vacances, c'est là qu'on va voir apparaître dans toute la France une espèce d'enthousiasme incroyable pour l'éducation populaire, c'est là qu'on va naître les équipements culturels, c'est là qu'on va naître, enfin, les centres sociaux sont nés avant, on va exploser également les centres sociaux, et c'est ce qu'on va vraiment appeler l'âge d'or. On va créer un ministère de la jeunesse et des sports, on va créer des diplômes, on va créer des CEPJ, des conseillers en éducation populaire et en jeunesse, et ça va vraiment être ce qu'on appelle vraiment l'âge d'or. Et sauf qu'en fait, là, ce qui se passe, il y a un processus qui est plutôt intéressant, c'est que l'éducation populaire va devenir très très puissante, mais va être, je caricature beaucoup, hein, on n'a pas trop le temps, va être un peu considérée comme les repères de gauchistes, à l'époque déjà. Et donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont prendre de plus en plus d'importance, ces structures-là, et les fédérations d'éducation populaire vont être très très puissantes, et à partir des années 70, on bascule dans une phase d'instrumentalisation. À partir des années 70, l'État va se rendre compte, en fait, que certaines structures, entre autres les MJC, sont très très puissantes et vont petit à petit tenter l'instrumentalisation. À travers l'instrumentalisation, à partir de 70, les structures comme les MJC et les centres sociaux vont être complètement soumis, non plus à la subvention, mais à la contractualisation. Vous faites ça, et je vous donne ça. Si vous ne faites pas ça, je ne vous donne pas ça. Et vous voyez, c'est à partir de ces années-là, qu'on va voir rentrer dans un espèce de cycle un peu malsain, de relations de plus en plus compliquées et tendues avec l'État. 70, c'est la fin des Trente Glorieuses, c'est l'arrivée du libéralisme, du néolibéralisme, pour être plus précis. Vous savez, c'est l'alliance Thatcher-Reagan, hein, entre les deux. Il y a deux, trois pays qui résistent, mais c'est là que le vent libéral va complètement souffler sur l'Europe, et c'est là qu'on va passer dans les notions de marchandises. C'est à partir de là qu'on va voir l'éducation qui va devenir une marchandise, et c'est là qu'on va voir tout un tas de phénomènes qui va pousser l'éducation populaire, comme on la connaît dans certains cas aujourd'hui, à devenir des maisons où on vend des produits, à perdre tout. Complètement le projet politique des choses. C'est là qu'on va voir la dérive socioculturelle. Ça vous parle, la dérive socioculturelle? Pas forcément. Non, mais j'y reviendrai juste après. La dérive socioculturelle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir un catalogue d'activités. Je suis un peu caricaturel, vous m'excuserez. Danse, zumba, raga, pilates, art plastique. Un catalogue d'activités et qu'on va vendre aux adhérents en échange d'une somme d'argent, et ça va être ce qu'on appelle la consommation d'activités culturelles. Vous voyez, la dérive socioculturelle, c'est ça. Et on abandonne, je ne dis pas qu'il ne s'y passe rien, hein. Je dis juste qu'il y a un choix qui a été fait dans les années 70 de tomber dans des logiques marchandes. Ça s'explique. Hein. Du coup, voilà, dans les années 70, il y a ce virage-là qui est pris, et ensuite on arrive aux années 2000, et là c'est la catastrophe. Hein. L'arrivée de Sarkozy, entre autres, a fait beaucoup de mal. Et là, l'ère néolibérale explose. Hein. Là, on parle maintenant de... Enfin, il y a plein d'exemples, la course à l'innovation. Enfin, voilà, il faut être innovant à tout prix. Il faut toujours avoir de nouveaux projets. On passe complètement à l'appel à projets. Pour avoir des financements, on n'a plus de subventions sur 4 ans, sur 5 ans. C'est des financements que par projet qui financent des petits bouts. On bascule sur une segmentation incroyable de l'éducation populaire. On segmente les politiques publiques. On casse les services publics également. L'arrivée de l'auto-entrepreneuriat, hein, c'est-à-dire qu'on perd tout le travail syndical. On crée ce fameux statut d'auto-entrepreneur. Moi, j'ai rien contre ça. Hein. Vraiment, c'est pas du tout un jugement. Mais du coup, le rapport au contrat de travail disparaît. L'ambition collective disparaît. Et du coup, l'auto-entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle de la facturation d'activité. Vous voyez, c'est de l'utilisation des ressources, mais qui ne sont pas sur des projets collectifs. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais l'auto-entrepreneuriat a été beaucoup sur ces questions-là. Et je passe hein, sur le SNU, Service National Universel. Je passe sur les vacances apprenantes, les délégations de services publics, les start-up sociales. Vous voyez, c'est cette ère, la Macronie. Hein. Je ne sais pas s'il y a des macronistes parmi vous, mais c'est l'éducation. Dénoncez-vous. Comment ? Dénoncez-vous. Voilà. Là, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de l'histoire. Hein. On part, voilà, en fait, en résumé cette partie-là, hein. On voit une éducation populaire à l'origine qui est une vraie lutte sociale, de transformation sociale, lutter contre la misère, lutter contre le capitalisme, lutter contre l'obscurantisme. Et deux siècles plus tard, on se retrouve sur une éducation populaire qui est soumise aux lois du marché. Pareil, hein, les fusions, les fédérations d'éducation populaire qui se battent au quotidien, le rapport à la concurrence, des fois sur un même territoire, je ne sais pas, je ne connais pas très bien Pleupuis, mais il suffit qu'il y ait enfin, deux structures à 3 km les unes des autres pour qu'il y ait de la concurrence des publics. Enfin, et on joue ça. En fait, l'État libéral, l'État néolibéral joue de ces questions-là aujourd'hui par la mise en concurrence de ses propres associations. Et donc du coup, ça fait que on n'est plus sur des logiques collectives ou coopératives, on est sur des logiques de profit. Et ce qu'il faut se dire, c'est que on a marchandisé l'hôpital. Hein, Macron l'a encore plus fait après le Covid. On a marchandisé l'éducation. Blanquer a beaucoup fait ça en faisant rentrer le privé dans les écoles. Là, aujourd'hui, l'éducation populaire, elle en est au même stade. Aujourd'hui, l'éducation populaire est menacée, pour moi, par les champs du privé et par les champs du profit dans certains cas. Il y a des groupes, je ne sais pas si vous connaissez dans le médico-social, le groupe SOS. C'est un espèce de mastodonte associatif. Du coup, il se revendique de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est un mastodonte qui absorbe les structures. Et du coup, les petites assos comme les MJC, comme les centres sociaux, les tiers-lieux, ne peuvent pas lutter face à ces gigantismes économiques. Donc voilà, l'éducation populaire est soumise aujourd'hui à cette loi du marché. Enfin, voilà. Mais tout va bien quand même. Ah bon, quand même. Non, parce qu'il existe des gens comme Bernard, comme vous, donc tout n'est pas foutu. Aujourd'hui, l'éducation populaire, pour rapidement, en 2024, elle est segmentée. Il n'existe plus une éducation populaire comme on a pu le voir. Pour moi, elle est segmentée en quatre secteurs. Il y a un premier secteur, c'est ce qu'on appelle le secteur JEP, Jeunesse et Éducation Populaire. Ce segment-là, c'est le segment un peu traditionnel, qui grosso modo va tourner autour de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation citoyenne et du plein air. Vous voyez, c'est les centres de loisirs, c'est les MJC, c'est les centres sociaux. Grosso modo, c'est toutes les personnes qui ont l'agrément jeunesse et sport. Vous voyez à peu près, ça va être tout ce qui sera autour de l'initiative citoyenne dans les écoles, des animateurs qui font des projets avec les enfants. Je ne sais pas s'il y a un centre de loisirs dans cet MJC. Non. Non ? Il y a un centre de loisirs en Pleupuis ? Oui, Le centre social s'inscrit dans ce segment-là. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire d'État. Okay, c'est subventionné à 80% par les fonds publics et qui répondent à une politique publique jeunesse. Hein, ça vous parle. Ça, c'est un segment qui est hyper important aujourd'hui. Quand on fait un micro-trottoir dans la rue, quand on demande à quelqu'un c'est quoi l'éducation populaire, la personne dit souvent c'est le centre aéré, c'est la colo, c'est la MJC. Voilà. Ça représente un sacré paquet de monde, hein, en termes de force de travail. Hein. Tous les animateurs, animatrices des périscolaires, des extrascolaires, c'est quand même un gros secteur. Le deuxième segment de l'éducation populaire, qui est très proche historiquement de celui que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle le socioculturel. J'en ai parlé tout à l'heure. Le socioculturel, c'est le fameux catalogue d'activités qu'on peut retrouver dans les structures. Grosso modo, le socioculturel, c'est le projet de démocratisation de l'action culturelle et de l'accès à la culture. Okay, c'est né vraiment de cette envie-là, de ce besoin-là. Comment faire rendre accessibles les cours de guitare aux plus précaires. Comment dans les quartiers, je pense aux bourroches, comment dans les quartiers on arrive à construire des groupes solides autour des pratiques artistiques et culturelles. C'est vraiment cet élan-là. On trouve beaucoup d'adultes, c'est des activités culturelles normées. Vous voyez, il y a des horaires. J'ai cours de guitare le lundi de 19 à 20h. C'est mon cours. Vous voyez, ça crée de la norme. C'est discutable. Le socioculturel, s'il n'est pas dans un projet politique, pour moi, c'est un projet de consommation. Par contre, s'il est dans un projet politique de démocratisation culturelle, ça peut avoir un vrai impact sur les gens. Vous voyez ? Sauf que dans certaines maisons, dans certains centres, dans certains espaces, c'est complètement déconnecté d'un projet de politique de transformation sociale. Et c'est ça qu'on parle de la dérive socioculturelle. Vous voyez, changer le monde, je caricature beaucoup, hein. Lutte contre l'obscurantisme, lutte contre la misère, lutte contre le capitalisme, la réponse, c'est un cours de Zumba. Je suis volontairement caricatural. Hein, pour, voilà. Est-ce que, du coup, un cours de Zumba, si... Je fais pas de Zumba, j'ai beaucoup... Non, mais hein, c'est pour vous faire comprendre. Hein. Ces deux segments-là, ils sont historiquement très proches. Il reste deux segments, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'éducation populaire politique. L'éducation populaire politique, concrètement, c'est quoi ? Vous devez sûrement connaître les conférences gesticulées. Hein ? Oh, oui. Voilà, Franck Lepage, lui incarne par les conférences gesticulées ce type d'éducation populaire-là, ce qu'on nomme l'éducation populaire politique. Grosso modo, c'est quoi ? C'est une éducation populaire qui vise à politiser les adultes en dehors des syndicats et en dehors des partis politiques. C'est-à-dire que c'est très inspiré pour ceux et celles qui connaissent Paulo Freire, pédagogue brésilien. Ça vise en fait à construire des rapports de force citoyens dans les espaces, à politiser les gens. Voilà. Y a des limites, hein. Y a des limites à tous les segments, hein, de toute façon. Hein. La limite peut-être de l'éducation populaire politique, c'est qu'il y a beaucoup d'entre-soi. Je vais être très caricatural, vous m'excuserez, on trouve souvent des blancs, des gens non racisés, qui sont en général issus des classes prof, éduc, instit, voilà, et qui ont déjà des engagements associatifs très forts. On retrouve très très peu de gens des quartiers populaires, chômeurs, voilà, on les retrouve pas là. Ok, c'est une limite, hein. Il y a des limites à tout. Hein. Mais du coup, c'est quand même cette éducation populaire-là, elle a fait quand même rejaillir un peu d'ardeur dans les combats politiques de l'éducation populaire. Donc ça peut être très inspirant. Tout le monde voit le segment que je parle, ouais. Et le dernier segment que moi je nomme. Bonjour. Le quatrième et dernier segment, qui est très proche du segment politique, c'est ce que moi je nomme le segment radical et autonome. Alors, c'est le même principe que le segment éducation populaire politique. À l'inverse, par contre, ça sera en dehors des traditions et en dehors des institutions. C'est un segment très radical dans lequel on va retrouver beaucoup le milieu libertaire et le milieu révolutionnaire. Pour moi, c'est les ZAD, les zones à défendre. Je ne sais pas s'il y en a ici de par chez vous. Non. C'est sur Dijon, par exemple, on a un espace qui s'appelle les Lentillères. Les Lentillères, c'est une zone que la mairie de Dijon avait choisi d'urbaniser en détruisant les jardins maraîchers puis faire des immeubles. Et il y a 10-15 ans, il y a des gens qui se sont auto-organisés en dehors des syndicats, des partis politiques et des structures pour créer une zone à défendre et qui font rentrer les gens dans un processus d'éducation populaire, c'est-à-dire dans un processus de politisation accélérée et de prise en compte et prise en charge des rapports sociaux. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire radicale. Et là, pour le coup, on va retrouver des personnes qui sont sur des principes très, très, très politiques et d'auto-organisation et d'autonomie. C'est-à-dire que Ils ne bénéficient absolument pas d'aide de l'État, ni d'aide des collectivités. C'est des gens qui, en général, s'organisent, qui s'auto-organisent, en fait. Vous voyez ? Et ce segment-là, moi, je le trouve, à titre personnel, très inspirant, justement, politiquement, sur les rapports sociaux, sur les rapports de pouvoir, sur les rapports de domination, sur toutes les luttes intersectionnelles, voilà, sur toutes ces questions-là. Donc, aujourd'hui, le paysage de l'éducation populaire, il s'organise autour de ces quatre segments-là, mais surtout, l'erreur à ne pas faire, à mon sens, hein, c'est de ne pas voir les choses figées. OK ? Il faut plutôt voir les choses comme un segment, comme un curseur qu'on déplace. Si par exemple, la maison phare où on travaille, elle peut tout à fait être le lundi à 17h dans l'éducation populaire JEP, parce qu'on est avec un groupe de jeunes à faire de la photo, voilà, à les accompagner à la photo. Le lendemain, on va être dans le socioculturel parce qu'on va accueillir Nan qui va faire un stage de danse avec les habitants du quartier, parce qu'il y a un besoin d'exercice physique. Et après, 3 heures plus tard, on va être dans l'éducation populaire politique, parce qu'on fait l'université populaire. Et le lendemain, on va être dans l'éducation populaire radicale, parce que Hélène va aller aux Lentillères, travailler où on va emmener des gens en manif, puis on va leur apprendre à pas se faire attraper par la police. Je caricature un peu, mais vous voyez, en fait, on est plutôt sur... faut plutôt imaginer les choses comme un curseur qu'on déplace, plutôt que des choses figées. Parce qu'à mon sens, c'est ce qui peut faire crever l'éducation populaire, c'est que de s'enfermer dans un segment, dans un secteur, et à mon sens, ça, c'est ce qui peut faire que les choses bug. Nounours, il me reste combien de temps ? Combien de temps ? 51. Il reste 9 minutes, si on va jusqu'à 1 heure, mais on peut aller au-delà d'une heure. Non, après je vais vous laisser parler. l'idée maintenant, c'est qu'on a parlé de l'histoire, on a parlé des mots, on a parlé du sens. On a parlé des segments. Alors, maintenant, les pratiques. L'éducation populaire, je le disais tout à l'heure, c'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement politique, mais c'est un mouvement de pratique également. C'est très proche de la recherche-action, l'éducation populaire. On aura l'occasion d'en reparler demain. Ce qui détermine l'éducation populaire comme espace des possibles, et un espace de transformation de la société, c'est parce que c'est un espace où les gens peuvent agir concrètement. Et moi, je parle souvent de politique et de pédagogie. Ma recherche, en tant que chercheur, je travaille beaucoup sur l'impact des pédagogies dans le quotidien des gens. Et en fait, on se rend compte qu'on a un vrai pouvoir dans l'éducation populaire parce qu'on met en œuvre des discours. Je prends souvent l'exemple de l'égalité. Quand on bosse un projet d'une MJC, par exemple, c'est le Temple Puy, ou le tiers-lieu, l'atelier, à la base... De tout, il y a un projet politique. Hein, c'est vraiment en haut de l'entonnoir, il y a ce qu'on nomme le projet associatif, le projet politique. Le projet politique, en gros, c'est ce qui donne l'orientation des choses, qui pose les principes de base. Par exemple, dans un projet politique, on peut tout à fait retrouver le terme d'égalité. Je prends souvent cet exemple-là. L'égalité, c'est le projet politique. On défend une égalité pour toutes et tous. Sauf que pédagogiquement, l'égalité, poser cette valeur-là, il y a 1000 manières différentes de défendre l'égalité. Si je prends un exemple un peu caricatural, pareil, pour me faire comprendre, j'espère qu'il n'y a pas de scouts parmi vous. Si on prend les scouts d'Europe, vous voyez ce que c'est les scouts d'Europe ? Les scouts fachos de droite, d'extrême droite catholique. Les scouts d'Europe, eux, quand on leur parle d'égalité, en fait, ils vont trop s'embêter, ils vont prendre les gosses, ils vont tous les habiller pareil. Ils vont tous se lever à la même heure, ils vont tous manger la même chose, et du coup, sous cet angle-là, ils vont se dire, on a l'égalité parfaite. Donc concrètement, l'égalité, pour eux, elle est atteinte. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que le mot égalité, on va vite se mettre d'accord entre nous, comme quoi c'est important l'égalité, mais sauf que pédagogiquement, moi je vais faire une colo au CMA, par exemple, quand on va me dire égalité, ben, je vais me dire, tous c'est différent, donc tous égaux. Eh ben, c'est peut-être que toi, tu as besoin de 7 heures de sommeil, j'ai peut-être besoin de 9 heures de sommeil. Donc, dans la colo, peut-être qu'on va mettre en place un réveil personnalisé. Peut-être que parmi nous, pour être vraiment égalitaire, certains sont de confession juive ou musulmane, il va peut-être falloir de la viande cachère ou halal. Certains, peut-être que parmi vous, il y a des végétariens ou des végétaliens. Vous voyez, avec la même valeur, la valeur de l'égalité, on a deux manières complètement opposées de les appliquer. C'est ce qu'on appelle la pédagogie, en fait. Et sans ça, l'éducation populaire, il faut être clair politiquement. Là, j'ai pris l'exemple de l'égalité, Mais je peux prendre, le même exemple de la liberté, par exemple. La liberté, à 90%, on retrouve le mot liberté dans presque tous les projets associatifs. C'est une valeur de la République, c'est fondamental, c'est sur le fronton des mairies. Mais le mot liberté, en fait, il y a trois manières de l'appréhender pédagogiquement. Vous voyez, liberté, il n'y aura pas de débat. Si je fais là, qui est contre la liberté ? Donc, mais par contre, de quoi on parle quand on parle de liberté pédagogiquement ? Est-ce que c'est de la liberté dans le sens libéral, le laisser faire ? Est-ce que c'est dans le sens libertarien, laisser tout faire et encourager les initiatives individuelles ? Ou alors est-ce que c'est plutôt libertaire dans le sens ma liberté s'arrête ou commence celle des autres ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, en pédagogie, quand on parle de liberté, dans les MJC, dans les centres sociaux, dans les tiers-lieux, de quoi on parle ? La liberté d'entreprendre, ça traduit quoi la liberté d'entreprendre ? C'est une valeur plutôt libérale. Par contre, se mettre d'accord sur des règles collectives, de responsabilisation collective des modes de liberté, on est plus sur une approche libertaire. Et par contre, si on est sur chacun fait ce qu'il veut là-dedans, on est sur des règles hyper libertariennes. Vous êtes au clair sur ces trois notions de la liberté, ces trois visions ? C'est peut-être pour les gens qui ne voient pas trop libertaire, on est plutôt sur la base... philosophique de Proudhon, Bakounine, Kropotkine, voilà, qui sont des militants anarchistes qui ont beaucoup travaillé sur justement les libertés collectives. Quand on parle de libéral, on est plutôt sur du macronisme, entre guillemets, sur la liberté d'initiative, enfin voilà, néolibéralisme. Et quand on parle de libertarien, l'ultralibéralisme, on est plutôt sur des profils Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, quoi, en gros. Alors c'est très politique ce que je dis, mais en fait ça permet de conscientiser, et c'est en ça que l'éducation populaire pour moi elle est fondamentale, ça permet de conscientiser politiquement qui nous sommes et de quoi défendre nos associations. C'est pour ça que le travail pour moi ne s'arrête pas. Le travail ne s'arrête pas à définir des valeurs. Pour moi les valeurs aujourd'hui elles ne veulent plus dire grand chose. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen, ou de Zemmour, égalité il y est, liberté il y est, sororité, fraternité il y est, mais derrière par contre on n'est pas du tout sur les mêmes manières de concevoir la société à travers ces trois valeurs-là. C'est ce qu'on appelle les discours. Et en fait, l'éducation populaire, elle a cette force-là, cette histoire-là, de passer des discours à l'acte. Et des fois, il faut mieux être modeste dans les discours, modeste dans les ambitions, mais très très ambitieux dans les actes. Et c'est là que se passent les choses. Et du coup, la question de la pédagogie, pour moi, elle arrive à ce moment-là, elle est centrale. Alors pareil, la pédagogie, on se dit souvent, la pédagogie, c'est l'art de transmettre. C'est un bon pédagogue, il nous a bien appris à lire. Ça s'appelle de la didactique, ça. Hein, c'est pas pareil. La didactique, c'est l'art de transmettre. Un bon didacticien, une bonne didacticienne, c'est quelqu'un qui arrive à nous transmettre les choses. La pédagogie, pour moi, c'est plutôt l'art d'organiser l'émancipation. C'est-à-dire, la pédagogie, ça sera comment on fait en sorte, comment on crée des systèmes. Je pense au tiers-lieu, entre autres, hein, comment on arrive à créer un système dans lequel chaque personne arrive à trouver cette fameuse équité. Comment on organise les classes, comment on organise les activités, quelle posture j'ai, comment on organise clairement le processus. La pédagogie, c'est un processus. Transmettre quelque chose, ce n'est pas un processus, c'est ce qu'on appelle de la transmission de savoir. La pédagogie, c'est quand même, c'est pas exactement ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Et donc du coup, moi, je vous invite quand vous parlez de projets politiques, ok, mais comment on arrive à conscientiser nos politiques ? Comment on arrive à conscientiser notre rapport, par exemple, à notre rapport à l'autorité ? L'autorité, pareil, il y a trois formes d'autorité. Hein. Il y a l'autorité légitime, l'autorité des faits et l'autorité des pouvoirs. C'est trois formes d'autorité très importantes. Et comment on les fait vivre ? Il y a une manière très autoritaire. Hein, de poser ces choses-là. Mais il ne faut pas avoir peur pour autant de l'autorité. Et ça, c'est de la pédagogie pour moi. Et donc, du coup, l'éducation populaire s'articule autour de ces notions pédagogiques. Je vais passer, je l'ai trop parlé. Il y a quatre formes. L'éducation populaire s'inspire de quatre pédagogies. La pédagogie libertaire. Je fais un peu de pub. J'ai écrit un livre sur ça, sur l'éducation intégrale. Je pourrais le consulter après. L'éducation... La pédagogie libertaire a beaucoup défendu l'éducation intégrale. C'est-à-dire, on pense qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les savoirs. Hein, c'est une éducation globale. L'éducation nouvelle, plutôt inspiré des mouvements comme Maria Montessori, Freinet, toutes ces questions-là. La pédagogie critique, on va plutôt retrouver Paulo Freire, Irène Pereira, Gramsci. Et puis la pédagogie sociale, et la Maison Phare est une association de pédagogie sociale. Je refais de la pub, j'écris un autre livre sur la pédagogie sociale, ils seront consultables. J'ai pas le temps d'aller plus loin, mais voilà. Pareil, j'ai pas le temps de l'évoquer, mais aujourd'hui, pour moi, l'éducation populaire, elle trouve écho dans quatre enjeux principaux. L'enjeu de l'éducation, il y a un retour en arrière hein, sur les questions d'éducation. Hein. Je suis un peu de politique ce soir, je suis navré. Enfin, Gabriel Attal, c'est chaud quand même. Béloubé, c'est chaud quand même. Du coup, Blanquer, c'est dur quand même. Le retour du réactionnaire. Du coup, pour moi, l'éducation aujourd'hui est menacée. Donc, du coup, encore plus avec les dernières déclarations là, voilà, c'est un enjeu très important pour moi. L'enjeu de l'écologie populaire. Le sortir d'une écologie bourgeoise, blanche et dominatrice pour retrouver une écologie populaire. Pour les plus précaires, les plus défavorisés, l'enjeu du numérique. Je sais qu'au Fab Lab, au tiers-lieu, vous êtes plutôt branché numérique. Pour moi, c'est l'enjeu du 21e siècle, avec l'IA qui arrive, l'IA générative, avec la digitalisation de nos vies, avec tout le rapport à l'immatériel, au métaverse et tout ça. Pour moi, c'est l'enjeu, un enjeu principal. Et l'enjeu de la démocratie, qui est un enjeu pareil. Hein, on traverse une crise démocratique sans précédent, à mon sens. Et du coup, l'éducation populaire, pour moi, est centrale dans ces quatre enjeux-là. Et en conclusion, je crois que j'aurais pile tenu l'heure, la pédagogie comme levier d'émancipation, je pense que c'est quelque chose qui est hyper, hyper central aujourd'hui. La pédagogie comme acte de transformation, et la pédagogie comme le lien entre la pensée et l'acte. C'est-à-dire qu'on a beau penser des belles valeurs, on a beau penser un monde nouveau, un monde moderne, ou un monde... Si on n'a pas d'outils collectifs, d'espace collectif pour transformer les choses, ça restera des espaces où il ne se passera plus grand chose. J'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Voilà, la parole est complètement libre, elle appartient à celui ou à celle qui l'apprend. Si vous avez des questions, des remarques ou des désaccords, ou peut-être préciser des choses, ou je suis allé trop vite, ou... Peut-être pour les questions, je vais prendre le micro, puis je vais le passer. Alors moi, j'ai travaillé assez longtemps dans une MJC, pas ici, mais à Montluel. J'étais coordinatrice culturelle, je m'occupais d'une programmation culturelle. Et en fait, la Zumba permettait qu'il y ait ce poste, justement. Il y avait de plus en plus de Zumba pour pouvoir payer la culture, en fait. Ah, oui. Petite ruse, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des salariés, eh ben, on est tributaire de tout ce que vous avez dit. Quoi. Et malheureusement, on a du mal à passer au-dessus, on a du mal à faire quelque chose de politique vis-à-vis de nos financeurs. Oui, moi j'aimerais bien avoir deux, trois petites expériences que tu fais à la Maison Phare pour illustrer tous tes propos, là, ce que vous faites, ce que vous mettez en œuvre au niveau des gamins, des loisirs, comme tu as dit. Je prends plusieurs points, puis après... Oui, voilà. Oui, je crois que c'est pas mal. Moi, j'ai noté dans ton intervention, en fait, c'est que le côté financier... qui apparaît du monde gouvernemental, en fait, nous donne une pression sur tout ce côté social, quoi. On est... c'est l'urgence du moment pour trouver un euro quelque part. Revenir sur l'histoire de la Zumba, des activités, on répond aussi à à une demande de la population. Parce qu'en fait, moi, je viens d'une commune de l'Ouest lyonnais, un peu une ville dortoir. Il y a 9000 habitants. Des activités, il en faut pour tout le monde. Mais dès qu'il y a un CA, non pas un CA, une assemblée générale, que ce soit au centre social ou à l'AMJC, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas grand monde sur les 9000 habitants qui s'impliquent. Et ça, c'est très difficile de créer une dynamique qui fédère, enfin, je sais pas, où les gens s'impliquent, quoi. Ils consomment. Enfin, c'est... Oui. C'est un peu pareil, c'est toujours le même sujet, mais l'idée en tant que adhérent à une MJC, comment ne pas tomber dans une espèce de clientélisme. Par exemple, quand vous parliez de la guitare, moi ça m'a vachement touché parce que j'en fais présentement. Et je me suis dit, mince, comment je peux peut-être changer ma façon de voir les choses pour être plus dans un aspect social que dans un aspect clientélisme. Juste dans le même origine, c'était plutôt par rapport à tout ça, je me disais, est-ce que ce que vous disiez, la consommation avec justement tout ce qu'on proposait en catalogue pouvait éviter quand même l'entre-soi total, parce que avec des propositions multiples, ça peut permettre peut-être le mélange, alors que là j'entends que ça pourrait ne pas le faire, mais je me disais que ça pouvait peut-être être au contraire, le permettre plus. Enfin, je sais pas, voilà, c'est une question. Ce que je propose, c'est que je réponds déjà à tout ça, et puis après on continue, parce que sinon après je vais me perdre, ça va trop faire de... Hein. Ouais. Désolé, je réponds à ça, puis après on fait un petit tour, parce que après je vais... Dans le sujet, ça va être trop long entre... Il y a eu plusieurs remarques sur le socioculturel. Du coup, ce segment-là, qui est vraiment hyper, hyper important et central depuis les années 70, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est des stratégies. Le socioculturel, les cours de guitare, les cours de zumba, les cours de dessin, c'est ce que tu évoquais, hein, ça peut être des stratégies d'ordre financier dans un premier temps. C'est-à-dire qu'avec le socioculturel, on génère des produits, et les produits, on les injecte soit dans de l'action culturelle gratuite, soit on l'injecte dans la vie de quartier, soit on l'injecte dans la jeunesse. Mais dans l'étude que j'ai faite, il y avait pas mal de gens qui défendaient leur secteur socioculturel pour une question de survie. Ils disaient, oui, mais si on n'a pas ce secteur-là, en gros, les subventions municipales ne nous permettent pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est vrai. C'est des stratégies qui ne sont pas des sous-stratégies. Je pense que c'est hyper important. Après, moi, la critique que j'arrive à faire sur le socioculturel, c'est à quel projet, au final, ça se raccroche. À quel projet de politique ça se raccroche. Est-ce que c'est juste une stratégie financière? Et moi, ce qui me dérangeait dans l'étude que j'en ai faite, c'est que l'argument était tout le temps le même. C'était juste une stratégie financière. Mais par contre, moi je suis d'accord avec madame qui disait, oui, c'est de la mixité. Oui, le socioculturel permet, dans le même espace, pour les mixités en plus puits, là je crois que ce soir, par exemple, je crois qu'il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo, je crois qu'à l'étage, il y a des... Jeux de société à l'étage, et nous on est là. Donc oui, en effet, dans la maison, dans le même espace, on peut avoir des gens complètement différents, puis peut-être que monsieur jouerait de la guitare dans une autre salle, oui, ça crée de la mixité. Mais ça, il faut être clair sur ça, du coup. Il faut l'affirmer très fort. Il faut le dire, il faut le défendre. Mais il ne faut pas confondre mixité et cohabitation, par contre. Parce que peut-être que là, on a l'impression de la mixité, mais ça se trouve, le cours de guitare, il va sortir avant le cours de machin, et ça se trouve, personne ne va se croiser. Du coup, on sera plutôt dans de la cohabitation, et non pas dans de la mixité. Et c'est un piège, en fait. Mais par contre, ça veut quand même dire que le conseil d'administration, ce qui est l'organe central et démocratique de l'association, doit se dire comment on arrive à casser la cohabitation pour créer de la vraie mixité. Et il y a des tas de manières de le faire. Alors, dans certaines MJC, je sais que les centres sociaux, c'était les pique-niques partagés à la fin de l'année, les galas de danse. Pareil, les galas de danse, comment ils sont animés, par qui ils sont animés. Est-ce qu'on parle de pédagogie? Est-ce que quand on donne un cours de guitare ou quand on donne un cours de je sais pas quoi, est-ce qu'avec vos intervenants, qui sont souvent des auto-entrepreneurs maintenant, vous parlez de pédagogie? Est-ce qu'ils sont soumis à un projet pédagogique très clair? Non, parce qu'ils sont auto-entrepreneurs maintenant. Je suis un peu dur avec les auto-entrepreneurs, hein, mais les auto-entrepreneurs, techniquement, le ou la directrice de l'MJC ne peut pas être la chef de l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est bien auto-entrepreneur, il est son propre chef. Si un jour l'auto-entrepreneur ou l'auto-entrepreneuse apparaît dans l'organigramme, les prud'hommes peuvent nous tomber dessus parce que ça peut passer pour du travail sans charge. Non, mais du coup, c'est complexe en fait. Et ça s'appelle la technocratisation de nos pratiques. Et moi, ce que je critique, c'est pas le socioculturel. Hein. Au contraire, moi, je pense que c'était un projet qui était hyper, hyper important, la démocratisation culturelle. Mais sauf que dans le cadre qui sont les nôtres maintenant, c'est devenu vraiment de la marchandisation d'activités hyper dures. Et c'est pour ça, revenir à de la politique, revenir à le conseil d'administration qui se réunit, quel est notre projet pour le socioculturel? Qu'est-ce qu'on défend à travers ça? Qu'est-ce qu'on dit à nos animateurs? Dans les années 80, c'est Laurent Bess, c'est un historien, il a beaucoup travaillé sur l'histoire des MJC, des centres sociaux. Il expliquait que les structures sont devenues tellement grosses, les MJC, les centres sociaux, c'est ce que disait madame, je crois, hein, c'est devenu tellement important, il y a tellement de problèmes financiers, que le directeur pédagogue ou la directrice pédagogue était remplacé par le directeur gestionnaire ou la directrice gestionnaire. C'est-à-dire que même nos profils ont changé. Et ça, c'est dû à la taille des structures, en fait, c'est dû à cet engouement. Certains collègues, où je travaille à Dijon, passent plus de temps à gérer des salles et des plannings. Attends, les adhérents, ils ont payé 350 balles pour faire 30 cours de danse. Du coup, leurs 30 cours de danse, si je déplace la salle-là, ça ne va pas. Voilà. Et du coup, le socioculturel, c'est ça la dérive. C'est la fin d'un système de vraie démocratisation. Et puis pareil, il y a une enquête sociologique qui a été faite sur le socioculturel toujours. À qui bénéficient les activités socioculturelles? C'est pas au plus précaire, en fait. C'est pas au plus précaire. C'est les gens, les classes intermédiaires. Voilà. Les plus précaires, on ne les retrouve pas dans le socioculturel. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, le socioculturel, ce que j'ai dit tout à l'heure, il produit de la norme. C'est-à-dire que il reproduit la forme scolaire, le socioculturel. C'est-à-dire que pour un enfant de 13 ans, de 12 ans, qui veut faire son cours de théâtre, il faut qu'il soit à 9h ou à 10h pile à la structure, à la MJC ou au centre social. S'il arrive à 10h10, l'animateur théâtre va lui dire non, t'as 10 minutes de retard, tu t'en vas. Parce qu'il n'est pas à l'heure, donc du coup le gamin il va le faire une fois, deux fois, il ne reviendra pas. Parce qu'on reproduit des formes normatives. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Ça c'est de la responsabilité de l'animateur, vous voyez? Mais donc du coup, il faut être clair sur ça. Et en tant que responsable de structure, on peut dire non, tolérance, le gamin il arrive à 10h15, tu le prends quand même. Mais le nombre, en fait ça nous échappe des fois. Des fois le socioculturel peut nous échapper. Peut vraiment nous échapper, c'est-à-dire que... on ne sait même pas ce qui se passe des fois dans les cours. On ne sait pas la pédagogie des éducateurs ou des animateurs d'activité. On ne sait pas ce qu'ils défendent. Parce qu'on ne parle plus de pédagogie, parce qu'on parle de gestion. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc moi je pense que le socioculturel, c'est quelque chose d'hyper central et d'hyper important. Vraiment. Hein. Mais quel projet politique et quel projet pédagogique? Donc ça c'était peut-être un début d'élément de réponse. Par rapport aux demandes de la population. Les demandes de la population, c'est sûr que quand nous on arrivait à la Fontaine Louche, parce que la maison phare là où on travaille, elle a été créée en 2016. Avant c'était un centre social municipal et une maison de quartier municipal. Et donc du coup, quand on est arrivé, moi une des premières choses que j'ai fait, il y avait un gros secteur socioculturel, un très très gros secteur, il y avait beaucoup d'activités. J'ai regardé un peu d'où venaient les adhérents et les adhérentes. En fait, je me suis rendu compte qu'à 70%, les adhérents et adhérentes ne provenaient pas du tout du quartier politique de la ville. Là où je travaille, c'est un quartier politique de la ville, un quartier populaire, un quartier sensible, de 8000 habitants. Et en fait, les gens venaient pas du quartier. Donc petit à petit, ça m'intéressait pas en fait, de donner des cours de danse aux gens qui habitent à Corcelles-les-Monts ou Patelin aux alentours. Enfin, moi, j'étais pas payé pour ça. Puis c'est pas mon projet politique, quoi. Donc petit à petit, en fait, j'ai fait le choix avec les habitants, de stopper les activités socioculturelles. Donc on a arrêté presque tout maintenant. Mais par contre, en parallèle de ça, ça a libéré de la place, ça a libéré des salles, ça a libéré de la force de travail, ça a libéré les cerveaux, ça nous a enlevé le poids de l'équipement. Vous voyez? ça nous a complètement permis. Et derrière, on a recréé des choses avec les gens. On a recréé des espaces, on a créé un café-restaurant, on a créé du maraîchage, on a créé des ateliers de rue, des pratiques de rue, on a créé de l'action culturelle. Et ce qui a permis en fait de recréer un autre lien avec les habitants, pour ne pas être sous le poids du socioculturel. Je dis ça parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Après, voilà, quand ça représente de la rentrée d'argent, c'est tout à fait discutable. Hein. Moi, je dis juste qu'il faut être très clair sur le socioculturel. Et après, il y a des stratégies. Moi, je me rappelle, j'étais jeune animateur, mon directeur de l'époque, il m'a dit, putain, il y a une nouvelle activité qui sort. C'était la Zumba. Il dit, oh, ça cartonne. Il dit, ça cartonne la Zumba. Il dit, vraiment, c'est... Il dit, putain, il faut qu'on fasse la Zumba, ça cartonne. Et du coup, en effet, il avait complètement raison, lui. C'était Gilles Ménis. Il dit, hop, il a trouvé l'animatrice Zumba, et on a ouvert 4 cours de Zumba, on les a remplis, gring. Mais sa stratégie, en fait, c'était faire gring pour derrière financer d'autres trucs. Mais il ne prétendait pas faire plus, il ne prétendait rien d'autre, en fait. Et je trouve ça hyper honnête de sa part. Voilà, je sais pas si ça répond à certaines de vos questions. Et puis peut-être par rapport à une dame disait, on est quand même, le néolibéralisme nous a fait don d'un truc, les uns les autres, c'est la technocratisation de nos fonctions, de nos métiers. C'est-à-dire que moi j'ai 40 ans, ça fait 23 ans que je fais ce travail-là, je suis encore jeune. Hein. En 20 ans, je me suis rendu compte qu'on est dans une phase où ça devient de plus en plus technique. C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué. L'agrément CAF, par exemple, je crois que tu travailles à la CAF, Jeff, tu es directeur de centre social. Je crois que maintenant, pour avoir un agrément, c'est des heures et des heures de tableau Excel, quoi. Pour rendre des comptes en permanence, il faut toujours faire les appels à projets. Il faut toujours avoir le cul derrière son truc à déposer des projets, à travailler comme ça. Et ça, tout ce temps, hein, toute cette énergie qu'on perd à chercher l'argent, à gratter le sol avec nos dents, ben c'est tout le temps qu'on perd pour ne pas faire de pédagogie. Et donc du coup, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, hein, c'est que le néolibéralisme nous a tendu un espèce de piège, c'est qu'on a laissé tomber le politique au profit du technique. Vous vous rappelez pendant le Covid, non, c'est trop compliqué, vous n'allez pas comprendre, avec tous les experts, mettant dans l'air des experts, pour bien comprendre, on fait appel à des experts, comme si nous on était trop cons pour comprendre en fait. Nous les habitants des quartiers, des villes, on nous renvoie ça, vous êtes trop con pour comprendre, c'est trop technique. Faites-nous confiance, c'est trop technique. Alors que non, ben, expliquez-nous, on n'est pas plus bêtes que d'autres, quoi. Et du coup, la crise du Covid, la crise sanitaire, elle a été gérée comme ça. Vous êtes trop con pour comprendre, on va faire confiance aux experts, faites confiance aux experts, c'est technique. Et je suis sûr que même moi, je me retourne vers Bernard, même des fois en CA, ça c'est trop technique. Mais moi je me surprends, mais en fait non, c'est pas trop technique si j'apprends pas aux gens. Alors, les budgets, ouais, c'est trop technique les budgets, non, c'est des recettes, c'est des dépenses, t'expliques, tu vulgarises. Et moi je pense qu'on est victime de ça aussi aujourd'hui, vraiment. Du coup revenons, il ne faut plus que la politique perde par rapport à la technique. Maintenant c'est les technocrates qui ont le pouvoir, quand on regarde comment Macron il s'est organisé autour de lui, il n'a que des techniciens, des technocrates autour de lui. Hein. La technocratie c'est le pouvoir aux techniciens, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est un peu comme la présentocratie. La présentocratie, c'est le pouvoir de ceux qui sont présents. Parce que ceux qui sont présents pensent que les absents ont toujours tort. Ce qui est faux. Si les gens ne sont pas là, c'est souvent ce qu'on entend, les absents ont toujours tort. Mais non, si les gens ne sont pas là, en fait, c'est soit parce qu'ils gardent leur gosse, soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce qu'ils font les 3-8. On n'a pas le même rythme de vie, en fait. Et du coup, c'est ça, en fait, bien conscientiser les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et la technocratie, c'est ça, pour moi. Et ça, c'est un danger sur ces questions-là. J'espère avoir fait à peu près le tour... La première salve. Du mieux possible. Ouais. Donc, merci pour ce commentaire, notamment sur l'état de fait des MJC qui sont souvent des prestataires de services pour un bien-être de plus en plus individualiste. Moi j'avais une question en fait, ressort de votre constat sur l'éducation populaire, d'une grave défaite dès le 19e siècle, d'une grave défaite dès le 20e siècle, bah, pour d'autres, des tas de raisons complexes, hein, guerre mondiale, etc., misère sociale, etc. Et j'ai l'impression quoi que avec vos propos aussi, on va vers une grave défaite vers le 21e siècle, puisque les Elon Musk et les Macron sont bien plus forts que l'éducation populaire. Est-ce que, au-delà en fait, de nos ennemis, on ne peut pas non plus remettre en question les gens qui font l'éducation populaire? C'est-à-dire, comment en fait, on pourrait être inventif et aller vers une nouvelle éducation populaire qui arrive à convaincre beaucoup plus de gens pour réussir, tout simplement. Moi, j'avais envie d'avoir votre avis sur ton exposé finit sur essentiellement l'importance de la démocratie et politique. Et je voulais savoir où se plaçait l'éducation populaire avec les idées qui émergent un peu du mouvement des Gilets jaunes et qui remettent en cause le fondement même de notre démocratie. Et je voulais avoir ton avis là-dessus avec certains idéologues qui sont là-dedans et qui nous expliquent que au jour d'aujourd'hui, on met un bulletin de vote, on délègue notre pouvoir de citoyen à des gens et on la reprend 5 ans après avec le constat que ben il y a rien qui a été fait de ce qu'on leur a demandé et on perd complètement notre pouvoir. Je voulais savoir comment se placer l'éducation populaire là-dedans. Merci. Moi, j'avais deux petites choses, oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure pour la mixité, puis pour de nouvelles formes. Je ne sais pas ce que vous pensez de tous les lieux comme les médiathèques, hein, si vous n'avez pas trop parlé, mais moi, j'adhère à une médiathèque dans le Beaujolais, là où je trouve très bien. Et c'est pas que il y a le lieu où on vient bien sûr emprunter le livre, le CD, etc. Mais par rapport à la mixité, au mélange, il y a beaucoup de choses de proposer, hein, qui pourraient être ce qui était proposé peut-être avant la MJC, et où les gens peuvent se rencontrer, hein, autour de, alors pas uniquement de lecture, mais vous parlez du numérique, beaucoup de choses autour du numérique, beaucoup de choses autour de rencontres, beaucoup d'expos, beaucoup de sur des thématiques très très sensibles et très actuelles. Et je me disais que c'est peut-être est-ce qu'il y a des nouveaux lieux comme ça où ça pourrait beaucoup plus se mélanger et avec des temps d'organiser. Alors bien sûr, hein, il y a un financement, mais par contre les personnes peuvent adhérer pour très peu cher et trouver, je pense, beaucoup de choses avec souvent café pas loin. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses de rencontre. Puis la deuxième chose, c'est moi comme vous, j'ai fait le BAFA, j'ai fait beaucoup de colonies, j'ai adoré ça. Et je suis assez triste de voir qu'actuellement, j'entendais l'autre jour à la radio qu'on a du mal à trouver des jeunes. Hein. Il y a eu beaucoup d'argent donné par les CAF pour que les jeunes se forment au BAFA parce qu'il n'y avait plus de jeunes qui y allaient. Et puis là, à la radio, il y a un truc qui m'a déprimée, c'est qu'il y avait tellement... Enfin, moi, je ne sais pas, mais on parle d'engagement. Quand on s'engageait, on faisait une colo, on faisait un centre aéré, on y restait, quoi, et on rencontrait les enfants, les parents... Et là, dans la région parisienne, j'entendais dans la Seine-Saint-Denis, hein, très peu de jeunes moniteurs et donc des applis pour des remplacements au pied levé. Parce que le matin même, personne. Ça me déprime parce que je me dis là, ça veut dire que là, les jeunes qui s'engagent quand même dans cette formation, c'est le matin, j'y vais pas le matin même. Et puis, vous avez été directeur, hein, donc j'imagine bien ce que vous voyez ce que ça fait. Et donc, des applis pour qu'on se mette sur un jour, deux jours, trois jours. Voyez. Et ça, je trouve que c'est aussi... Enfin, je ne sais pas. Mais ça, c'est compliqué parce que c'est là, qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi, au niveau de la formation, cet engagement... on le trouve peut-être plus pour être après auprès des jeunes. Et moi, je voulais savoir si dans vos recherches, vous avez un peu travaillé la question de l'imperméabilité entre l'éducation nationale et l'éducation populaire. Parce que moi, C'est une question qui me travaille beaucoup. Moi, je suis prof et la recherche-action, j'ai l'impression d'en faire tous les jours. Mais peut-être que ça n'a pas la même définition. Voilà. Je vais répondre déjà à tout ça. Ouais. Ouais. Par rapport à la remarque que tu as fait sur les quelques échecs, moi je pense aujourd'hui en fait, c'est qu'il existe des moments d'éducation populaire. Je pense que, alors je dis ça parce que je suis militant, j'y crois, je suis très enthousiaste, hein, et je pense qu'en fait on peut retrouver du souffle aujourd'hui. Là on vit un moment d'éducation populaire par exemple. On va pas faire toute la journée de l'éducation populaire en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut aborder les choses comme ça. Sinon, on déprime. Sinon, enfin, notre degré d'implication, c'est pas possible d'être 100% éducation populaire tout le temps. On s'épuiserait et ça serait une suite de désillusions. Alors, après, ce qu'on fait un peu de philosophie, l'éducation populaire, elle se revendique. Vous savez, il y a les courants matérialistes, les courants idéalistes et les courants utopistes. Moi je me revendique à titre personnel comme un pédagogue matérialiste, c'est-à-dire que je ne suis pas un utopiste, ça fait trop déprimer d'être utopiste. L'utopisme, hein, c'est avoir le monde parfait, hein, avoir le monde idéal. Moi je veux pas un monde idéal, hein, je veux d'un monde qui correspond aux besoins des gens. Et si le monde idéal n'arrivera jamais, en fait, ce serait la meilleure manière en fait, d'être névrosé et dépressif. Donc je pense sincèrement qu'il faut des moments d'éducation populaire. Et des moments où il n'y a pas d'éducation populaire, et il faut en faire le deuil. Et c'est comme ça, parce que sinon, enfin, je ne sais pas si... Et ça redonne de l'espoir, du coup, des moments d'éducation populaire. Il y a des moments où on vit collectivement des beaux moments d'éducation populaire, et puis après, on en vit plus. Et puis, pareil sur ta question, les espaces de vie. Mais ça rejoint une autre personne, hein, les médiathèques, par exemple, hein. Et construire des espaces d'éducation populaire. Une médiathèque, pour moi, est un espace d'éducation populaire. Une MJC est un espace. Les espaces, ils ne peuvent pas être permanents. On ne peut pas. Sinon, ça ne devient plus un métier. Ça devient un dogme. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais qu'on arrive à créer des tiers espaces, des tiers lieux. Je ne sais pas comment chacun les définit comme il veut. Hein. Où dedans on va trouver de l'éducation populaire. Moi je crois en ça aujourd'hui. Je ne crois pas en l'éducation populaire totale. Je ne crois pas en la pédagogie totale, parce que ça renvoie au total, c'est totalitaire. Et l'éducation populaire totale, ça renvoie à une autre forme de totalitarisme. Donc du coup, je pense qu'il y a des moments. Ça c'est la première chose. Par rapport à ta remarque sur les gilets jaunes, enfin voilà, sur tout ça, moi je partage ce que tu dis. Je pense que c'est le ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Je pense qu'il faut sortir de la démocratie représentative. Je pense qu'il en va de la survie de la démocratie. Moi, je milite pour une démocratie délibérative, où on délibère, où on se met d'accord, où on discute, où on parle. Je milite également pour ces espaces où les gens ne nous représentent pas, et s'ils nous représentent, ils nous représentent sur des mandats très courts et pour des sujets. Mais ça, aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. Hein, c'est très très compliqué à défendre. Mais l'éducation populaire, et pareil, pour ça que je suis enthousiaste aujourd'hui, hein, entre des moments d'éducation populaire et la possibilité, les latitudes qu'on a pour imaginer des nouvelles formes de démocratie. Voilà. Et du coup, pour moi, les Gilets jaunes, alors dans le milieu universitaire, on n'est pas tous d'accord sur ça. Pour moi, les Gilets jaunes étaient un mouvement d'éducation populaire. Bref, intense, un peu particulier, mais les ronds-points, quand on regarde un petit peu de manière un peu précise, un rond-point occupé par des Gilets jaunes est devenu un espace de délibération et de débat d'ordre politique. Après, peu importe les mouvances et tout, hein, mais du coup, le débat politique a été réactivé, avec des propositions, avec des retours, les gens... Il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout politisés avant les Gilets jaunes, qui se sont politisés via ce mouvement-là. Après, on en pense ce qu'on en veut sur le fond, sur l'idéologie qui en a émané. Hein. Mais pour moi, c'est très proche de ces processus-là. C'est Marion Carrel, c'est une sociologue de l'Université de Lille. Elle a beaucoup travaillé elle travaille beaucoup sur les démocraties. Et pour elle, les Gilets jaunes étaient un espace de démocratie directe. Voilà, on en pense ce qu'on en veut idéologiquement, mais je pense que c'est assez important pour le dire. Et pareil, je pense qu'il faut sortir de la démocratie participative. Ça marche pas, en fait, démocratie participative. Enfin, y a un problème. Enfin, vous savez, c'est un peu comme si l'eau mouille, le soleil brille, quoi. Démocratie, le pouvoir au peuple participatif, c'est que ça marche pas, en fait. La démocratie, elle est forcément participative. Donc, du coup, quand on accole le mot participatif au mot démocratie, c'est qu'on sait de fait qu'il y a un problème. Pareil, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut une démocratie délibérative. Arrêter d'essayer de faire croire aux gens que par la démocratie, ils ne sont pas capables de faire de la vraie démocratie. Donc, on leur fait faire de la petite démocratie. On va demander aux gens de choisir où on peut mettre le nouveau banc pour les gens. On va demander aux gens les conseils de quartier. Je ne sais pas s'il y en a en Pleupuis. Peut-être dans les plus grandes villes. Mais on dirait qu'il y a une démocratie au rabais. C'est la petite démocratie pour les gens comme nous. Hein, je ne suis pas très sérieux. Tiens, on va mettre une aire d'enfants pour les enfants. Tiens, on va demander aux habitants où ils veulent la mettre. Il n'y a pas 36 solutions pour la mettre. Il faut la mettre là. Ou bien, tiens, on va demander aux gens de quelle couleur ils veulent rebâtir le bâtiment. Ouais. Voilà. Mais par contre, pour les vraies décisions d'ordre machin, on est trop con pour comprendre. Et je pense qu'en fait, à travers ces gestes-là, on éloigne les gens de la démocratie, moi. Je pense que cette forme de démocratie participative, elle dégoûte encore plus de la démocratie. De la démocratie qui peut vraiment faire changer les choses. Et l'éducation populaire, et c'est pour ça que j'ai encore de l'enthousiasme après tout ça, je pense que l'éducation populaire sont des espaces, on peut créer des espaces où on discute de tout ça. Et c'est ici que ça peut se jouer. Sur la médiathèque, peut-être le frein. Le frein, c'est l'accessibilité. On pense souvent que la première source d'inaccessibilité est le tarif. C'est pas forcément la première source, même si c'est gratuit. On a fait pas mal de tests, hein, on a subi des beaux échecs. À une époque, on voulait faire des sorties culturelles gratuites. On les a mis gratuites, hein, c'était la maison phare, on avait une subvention, on payait les sorties culturelles au théâtre et tout, on s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas plus de monde qui venait. Parce que le frein était ailleurs, le frein était dans la guerre des enfants, il était dans la fatigue, il était dans les modes de vie, les gens ils sont fatigués le soir. Hein, et pareil, on pense que les gens précaires ne sont pas fatigués parce qu'ils ne font rien, mais la vie d'un précaire, d'une personne précaire, est une vie épuisante en fait. On n'a pas conscience en fait, je crois, de la pression que peut subir, la pression sociale, judiciaire, de ce qu'on appelle la criminalisation des chômeurs, hein. La criminalisation des précaires, hein, avec les nouvelles lois qui arrivent, mettre les gens au boulot alors qu'ils sont au RSA, ça met une pression aux gens en fait qui les empêche de sortir. À un moment donné, il suffit qu'ils aient des enfants, que ça se passe pas à l'école, voilà, c'est le pompon. Donc du coup, voilà, l'argent n'est pas forcément la première source d'inégalité, enfin, la première source d'inaccessibilité, pardon. Alors du coup, on a trouvé d'autres biais, d'autres moyens. On a ouvert des partenariats, on a travaillé du coup avec le conseil départemental, on a travaillé avec des structures, avec le programme de réussite éducative pour trouver des solutions pour les gens. Mais je pense que la question de la précarité aujourd'hui, elle est très moralisée et elle est très criminalisée, en fait. Et politiquement, et donc du coup, ça reste un sujet qui est souvent, en éducation populaire, je parle, hein, qui est souvent à peine, on n'en parle pas tant que ça, en fait. On a un peu une caricature du précaire dans notre tête, qui demande d'être mise un petit peu, à être rediscutée. La nature par rapport au colo, ce que tu disais par rapport au... alors pareil, le constat, on fait le même, hein, je me retrouve dans ma collègue Hélène qui est là, on en bave pour recruter. On en bave, on court après les gens. Vous voyez, des fois, des gens qui ne viennent même pas à leur entretien d'embauche, ils ne préviennent pas, on les attend, ils ne viennent jamais. On les voit deux jours, ils disparaissent, les petits contrats. Moi, ce que je remets en question, c'est pas forcément les gens. Je remets plutôt en question le rapport qu'on a au travail, qui s'est bouleversé. Notre rapport au travail a été bouleversé, notamment avec l'ubérisation, hein, du travail, hein, justement avec le rapport qu'on a au travail qui est devenu... Qui a beaucoup changé ces 20-30 dernières années. On le voit bien, et encore plus peut-être après le Covid, je me dis. Les jeunes, la jeune génération, quand je dis les jeunes, c'est 18-30 ans. Hein. Le CDI, le fameux CDI, pour moi, à mon époque, c'est le Graal. je me rappelle mes parents, tu as un CDI. c'était vraiment le contrat que tout le monde voulait, parce que du coup, ça nous permettait de nous projeter, de nous relancer, nous permettre de promis crédit à la banque pour la voiture. Enfin, vous voyez, tout l'idéal un petit peu qui va avec le CDI, les projets aujourd'hui, quel avenir radieux on a à offrir aux jeunes 18-30 ans, crise démocratique, crise écologique. En fait, le récit, je pense que le récit a profondément changé. Je pense que l'histoire que nous, on se racontait, nous, enfin moi, ma génération, je suis né en 1983, ma génération à moi, encore peut-être plus les gens qui sont un peu plus vieux que moi, aujourd'hui, moi, c'est une question que je me pose. Hein, je n'ai pas du tout la réponse, hein, mais je me dis, avoir 20 ans en 2024, je ne sais pas si quelqu'un qui a 20 ans dans la salle, je pense que ce n'est pas simple. Je pense que ce n'est pas simple. Et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de la vie guerre en Ukraine, guerre à Gaza, Trump, enfin Bolsonaro, enfin l'Italie, quand on voit les dictateurs qui reviennent au pouvoir, quand on voit Poutine, vous voyez, il y a un basculement dans les années 80 quand même. Hein. Dans les années 80, politiquement, il y a eu un basculement. On pensait dans les années 80, j'ai lu une étude sociologique sur ça, on pensait que on ne pourrait plus jamais vivre ça. Je crois qu'en Mitterrand est passé au pouvoir en 81. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu quelque chose qui s'est dit, on ne pourra plus jamais vivre la terreur. Ça y est, c'est derrière nous, en fait, tout ça. Et bien, en fait, ce n'était pas derrière nous, parce que ça recommence. Et moi, je dis que, du coup, le rapport au travail, nécessairement, le rapport au travail a été bouleversé. Là où nous, on travaille, on voit que les jeunes, en fait, on a plus de gens qui postulent sur des CDD que sur des CDI. Le CDD, il a un caractère hyper sécurisant. Je travaille 3-4 mois, je me mets un peu d'argent de côté, j'arrête de travailler 2-3 mois, et je reprends, parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire. La crise des vocations, on appelle ça aussi. Il y a toutes ces questions-là. Les jeunes, certains jeunes, hein, pas tous, hein, ne savent pas quoi faire. Du coup, mais c'est lié au système d'orientation également. Hein. Il y a ça, et puis il y a aussi quand même le... Il y a un deuxième élément sur ce que tu évoquais. Par contre... En marge de ça, il y a une vraie jeunesse engagée. Il y a une vraie jeunesse hyper impliquée, mais dans d'autres espaces, complètement en dehors des institutions. Quand on voit la marche pour le climat, c'était un mouvement de jeunesse énorme. Nuit debout, pour ceux et celles qui se rappellent, il y a 4 ans, 5 ans, Nuit debout. Plus. C'était, ouais, bon, plus dans les ZAD. Dans les ZAD, les soulèvements de la Terre, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à ce mouvement-là, les soulèvements de la Terre, on retrouve un nombre de jeunes incroyable. Mais ce n'est pas n'importe quel jeune, c'est sûr. Voilà. Mais la jeunesse est toujours engagée, mais on ne la retrouvera pas au MJS, des jeunes socialistes. Hein. Non, on ne la retrouvera pas chez les jeunes... vous voyez, il y a d'autres espaces d'engagement qui échappent. Et je pense que l'Internet a beaucoup joué sur ça. C'est des espaces d'engagement qui échappent aux institutions et aux adultes bien pensants, voilà, aux adultes, parce que c'est l'Internet qui crée ça. Mais il y a une vraie jeunesse quelque part, je pense. Et puis peut-être la dernière chose par rapport à l'imperméabilité, éducation populaire, éducation nationale, il y a des belles expériences, je trouve, moi, aujourd'hui, justement sur une forme de complémentarité. Très, très précise, notamment sur là où nous on travaille beaucoup avec le collège et on travaille beaucoup avec les écoles élémentaires. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien avec l'éducation nationale, entre guillemets, c'est justement que nous, on ne reproduit pas la forme scolaire. Mais je pense que tant qu'on n'a pas conscientisé, en tant que pédagogue, hein, qu'on avait tendance à reproduire la forme scolaire, je ne sais pas si je suis clair, hein, le partenariat ne servait pas à grand chose. Mais par contre, quand on s'autorise à ne pas reproduire la forme scolaire et à l'assumer, le partenariat se passe plutôt bien. C'est que chacun son domaine, chacun sa zone de compétence. Le seul problème qu'on peut rencontrer, c'est que, mais parce qu'on me l'a dit, c'est parfois un peu du mépris de statut. Mais mes collègues, on intervient beaucoup dans les écoles, on gère le CLAS, le contrat local d'accompagnement scolaire. Et donc, du coup, mes collègues me disent, on est méprisés dans les écoles par les enseignants, parce qu'il y a... Alors, c'est pas du mépris de classe, hein. Je pense que c'est du mépris de fonction. On a l'enseignant, puis on a l'animateur. Et du coup, c'est ça, des fois, qui perturbe les fonctionnements. Mais avec certains collègues de l'éducation nationale, on fait vraiment des belles choses. Hein. Moi, j'adore l'alliance éducation nationale, éducation populaire. Je trouve que ça fait vraiment des belles choses. Mais après, ça, c'est pareil, c'est souvent une histoire de personne. Hein. Le facteur humain. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi, je vais faire ça. C'est souvent une histoire de personne. Et justement, quel serait le point commun, comment tu pourrais définir cette histoire de posture de ces personnes? C'est quoi qui fait cette alchimie, ce petit truc qui fait que l'éducation populaire, ça met un niveau, ça juste... Quel mot tu mettrais dessus comme ça? Le mot que je mettrais, j'ai moins de voix que Cédric. C'est bien. Merci. Moi, le mot que je mettrais, en fait, sur le facteur humain, sur l'engagement des personnes, c'est justement ça, le degré d'engagement. C'est complexe, hein, l'alchimie, comme tu dis. Hein. Il faut avoir un engagement réciproque. Il faut quand même partager une lecture du monde similaire. Réciproque Ouais, réciproque. Avec le public Non, avec, imaginons, un animateur, un éducateur et un enseignant, un triptyque éducatif. Il faut que les trois, l'engagement soit réciproque. C'est-à-dire que c'est dur. C'est hyper dur à trouver. Et après, je pense que... Mais ça, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Hein. Et je pense qu'il faut avoir une vision partagée du monde. Et je pense qu'il faut... Je pense que c'est important. Moi, dans les partenariats qu'on construit, peut-être la première heure, les deux premières heures de réunion, on se tourne un peu autour, quoi. Vous voyez, on se tourne un peu autour, on jauge. Politiquement, alors pas droite ou de gauche, on s'en fout ça. C'est politiquement quelle vision on a des gamins, quelle vision on a de la société, quels sont les manques, quels sont les besoins. Et en fait, on part d'un constat en général. Mais c'est une méthodologie. Enfin, les professionnels, du coup, on apprend ça. On peut vite voir les choses. Et qu'est-ce qu'on partage ensemble? Et là, ça peut marcher. Mais sans ce travail préalable, j'ai l'impression, ça demande du temps. Et je sais qu'à l'éducation nationale, le temps au partenariat, zéro. Hein. Tout sur le temps personnel. Et c'est pour ça que je parle d'engagement. Hein. Nous, les partenaires qui fonctionnent, c'est des gens qui viennent les mercredis après, par exemple, ou qui viennent parfois après leurs heures d'enseignement, ou alors qui se bataillent avec le chef d'établissement pour avoir des heures. Moi, pour avoir travaillé 40 ans dans l'éducation nationale, j'ai jamais entendu le mot éducation populaire de l'institution. On va passer le micro. Donc, je voulais juste dire qu'en ayant travaillé 40 ans pour l'éducation nationale, je n'ai jamais entendu le mot éducation populaire venant de l'institution. Donc c'est vraiment une affaire de personne. Quand il y a des enseignants qui travaillent comme ça avec vous, c'est vraiment la personne, enfin c'est pas l'éducation nationale qui nous incite à faire des projets dans ce sens-là. Ouais, non, ils vont plutôt mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'avais pas mal bossé sur les deux concepts de démocratisation culturelle et démocratie culturelle. Je ne sais pas si tu vois quelque chose à dire là-dessus. Ouais, ouais. Bah, rapidement. Ouais. Une autre intervention. Alors, très, très rapidement, sur. Moi, je suis plus proche de la démocratie culturelle. Voilà. La démocratisation culturelle, ça veut quand même, ça renvoie à, il y a une bonne culture, il y a une mauvaise culture. Il y a une culture dominante et il y a une culture populaire. La démocratisation culturelle, c'est souvent ça. Quand on travaille dans les quartiers populaires ou dans les milieux ruraux isolés, en fait, il y a souvent des, je caricature un peu, la culture dominante essaye toujours de venir nous chercher en nous faisant croire que c'est cette pièce de théâtre-là qu'il faut à tout prix voir, c'est ici qu'il faut aller, c'est tel artiste, voilà. Ça, c'est la démocratisation culturelle, rendre accessible une certaine forme rendre accessible une certaine forme de culture validée, choisie, académique, et en général subventionnée. Voilà. Une démocratisation culturelle, la démocratie culturelle, à mon sens, c'est plutôt proche de ce qu'on appelle les cultures. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures. C'est ce qu'on appelle souvent les cultures au pluriel. Dans certaines villes, les villes écolo, je crois, pas que, mais à Grenoble, par exemple, il y a un adjoint, maire adjoint aux cultures, et pas la culture. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de cultures. Et la démocratie culturelle, on est plutôt sur cette approche-là. Et la culture, elle est plutôt vue au sens sociologique, elle est plutôt vue au sens interaction avec le monde. Et ça va mettre en... Il y a aussi les cultures, par exemple le syndicalisme, la culture syndicale, la culture populaire, la culture de la cuisine. Vous voyez, en fait, on distingue en démocratie culturelle, on distingue ce qui relève de l'art et de la culture, par exemple. C'est pas la même chose. Alors que quand on parle de démocratisation culturelle, on parle plutôt d'approche artistique. Vous voyez, c'est pas la même chose, l'art et la culture. Et donc, du coup, on est plutôt sur cette approche-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Ouais, ça rejoint les droits culturels. Et du coup, là, et c'est très proche du coup de la notion d'éducation populaire, à mon sens. Hein. Je crois qu'il est plus de 20 heures. Oui. Enfin, si je dis ça pour vous, hein. Non, mais merci beaucoup. Merci. Ouais. Enfin, c'est très bien. Merci à vous.